Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec une nouveauté qui nous vient d'Ukraine. C'est le groupe Soundchild, une des multiples créatures du musicien ukrainien Anthony Kalugin, un groupe qui a été fondé en 2007, sauf erreur. Kalugin avait déjà mis sur pied le Carfagen à ce moment-là, et c'est le 8e album de Soundchild, et le premier est paru en 2008 sous le titre de Gnomon, et entre 2008 et 2012, Kalugin a réalisé pas moins de 5 albums, tout en réalisant 3 autres albums avec Carfagen, une source inépuisable d'inspiration, ce Kalugin. Et puis, après ça, on a une nouveauté d'Italie, le groupe Acroasis, c'est l'album Zephyros. Je vous dirais, ça me fait peut-être un peu penser à Manège, par l'instrumentation, et notamment le vibraphone, flûte, piano, enfin, je vous laisse juger, et c'est la musique, c'est instrumental comme album. Et après ça, Marc, on demeure en Italie. Oui, en effet, c'est la formation Sessione Frenante avec Mauro Martello. C'est déjà notre troisième extrait ici à l'émission de cet album intitulé Prigioniero di Visioni. On aura la pièce Pazzo et ce sera suivi d'une formation américaine de Pennsylvanie, Ten Gin, qui a été fondée en 1991. Et on aura ici un extrait de leur nouvel album qui paraîtra au printemps prochain. Un album intitulé Ardis et on aura la pièce de Red Virgin. Ce sera le 6e album pour cette formation, si on compte le plus récent album qu'ils ont réalisé en hommage à David Bowie, paru en 2018. Également, à partir de 21h30, on aura un spécial de 60 minutes avec l'artiste italien Alex Carpani. Et ce sera Alex Carpani qui sera avec nous pour nous présenter des pièces et faire un survol de l'ensemble de sa carrière. Donc, ce sera de 21h30 à 22h30. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec la nouveauté de l'Ukraine, une pièce du nouvel album de Soundchild. Timeless motion. all the good thoughts and dreams will find its way. Now spread your wings and fly away. Yes, it's out there. Will you dare to find someone like you? Across the lake of tears and the ocean of passion, in the garden of hope. stamattina negli occhi mostrerò. Sguardo illuminato, giustizia farò. Solo due parole io sento dentro me. Creo e distruggo, mi inebrio di me. Legge naturale, forte volontà. Sogno di potenza si ciba di me. Presto, fate presto, la morte soffia in me. Tutto rinnova e la chiave del sé. Nessuno saprà, sospetterà proprio di me, non si saprà. Vivo un giorno sereno, su un salice chi aspetta già. Sento il sangue qua giù, mi sorprenderò. Aspetterò, nutro il mio potere con la mia follia. Rosso nei capelli, un'onda verso me. Creo e distruggo, mi inebrio di me. Vedo solo il nulla che ce ne innoverà. Vedo solo il nulla che ce ne innoverà. Vedo solo il nulla che ci rinnoverà. Vedo solo il nulla che ci rinnoverà.

Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Un message du gouvernement du Québec. Le Centre Monseigneur Marcoux, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Limoilou, est heureux de vous inviter à la fête hivernale le 11 février de midi à 16h sur le terrain du Parc Bardi. Cet événement gratuit et familial vous permettra de vivre les plaisirs de l'hiver. Cette année, Olympiade, Château de neige, hockey et ballon-ballet sur la patinoire. Photoboot et la deuxième édition de l'International de pétanque d'hiver de Mézeray. Organisée par Limoilou en vrac, seront de la programmation. Une invitation du Centre Monseigneur Marcoux et de monlimoilou.com, partenaire médiatique. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Tel que Marc l'a annoncé en début d'émission, ce soir, on vous propose un survol de la discographie du claviériste et compositeur Alex Carpani, que l'on a reçu à deux reprises dans le cadre du festival Terra Incognita. Et c'est lui qui va vous faire les présentations de pièces, et je lui cède la parole sans plus tarder. Bonjour à tous. Je suis heureux de participer à cette transmission. Merci à Michel Bilodeau de m'avoir invité, de m'avoir dédié cet épisode de Terra Incognita. La première chanson que nous allons écouter s'appelle The Siren and the Mariner. C'est la première chanson du premier album Waterline qui date de 2007. C'est donc un morceau auquel je suis naturellement attaché. La deuxième chanson, The Dance of the Sacred Healths, fait partie de l'album The Sanctuary, qui date de 2010. Cet album a représenté en quelque sorte une confirmation dans ma carrière artistique et un pas en avant dans ma maturation musicale. Il s'agit de deux morceaux très différents. Le premier un peu romantique et rêveur, le second beaucoup plus énergique, technique et virtuose. Thank you. sento una foglia perduta nel mare. The Silk Road, La Route de la Soie, et Let My Drop of Sweat Fall Down, les deux chansons suivantes, font partie de deux albums qui se trouvent sur deux côtés opposés d'un bassin versant. Car Four Suites, qui date de 2014, et So Close So Far, qui date de 2016, représentent deux phases très différentes sur le plan musical. Four Suites, en fait, est le dernier album de prog symphonique de ma discographie. À partir de ce moment, j'ai viré vers la modernité et vers les sons contemporains. So Close So Far, comme les albums suivants, a conservé des éléments et des influences du prog classique. Mais le regard est tourné vers le présent et le futur, non plus vers le passé. We'll be right back.

engine is tiny soon again. A strange light is grown up in the sky. See the moonlight through the mountains. Where light is crossing while you're passing. Dove si incontra gente straniera, terre lontane, popoli e imperi. Dove si passa tra la scienza e la fede, storie segrete. Questa è la via della seta. La via della seta. Black. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Le 17 février, venez célébrer 50 ans de CKRL avec nous. CKRL a toujours été extrêmement vivant, extrêmement mobilisateur. Il faut savoir que c'est un des endroits où l'émergence se vit, la musique émergente, les paroles émergentes, la différence se vit. C'est un espace de liberté essentiel. À l'hôtel Château-Laurier, nous vous invitons à un happening festif à l'esprit de retrouvailles, ouvert à tous les anciens de la radio, bénévoles ou employés, et à notre fidèle auditoire. Moi, ma blonde... Oui? Ben voyons, on couche. Excusez, Denis. Les billets à tarifs modulables sont disponibles sur lepointdevente.com. Tous les détails sur le site de CKRL. Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec. Le 17 février, venez célébrer 50 ans de CKRL avec nous. Dès 17h, à l'hôtel Château-Laurier, nous vous invitons à un happening festif à l'esprit de retrouvailles, ouvert à tous les anciens de la radio, bénévoles ou employés, et à notre fidèle auditoire. Au menu, des discussions ponctuées de bouchées du Georges V, un spectacle intimiste dont on vous dévoilera bientôt la teneur, un DJ set et plus. Les billets à tarifs modulables pour 50, 100 ou 150 $ par personne sont disponibles sur lepointdevente.com. Tous les détails sur le site de CKRL. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Think Big, CKRL, la plus vieille radio communautaire francophone, canadien, français, d'Amérique du Nord, français. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, on poursuit notre survol de la discographie du compositeur et claviériste Alex Carpani. Et cette fois-ci, on aura des extraits des albums L'Horizonte degli Eventi, paru en 2020, et le tout récent Microcosm, paru en 2022. Et je cède la parole à Alex Carpani pour la présentation des pièces. Il Perimetro dell'Anima fait partie de l'album L'Orizzonte degli Eventi, l'horizon des événements, qui date de 2020, l'année du Covid-19, de la pandémie planétaire qui a changé le monde pour toujours, démontrant ainsi que nous ne sommes qu'à l'abri de rien, même dans un monde aussi technologique et apparemment parfait que le nôtre. C'est une chanson visionnaire et existentialiste qui tente de définir la forme et le périmètre de notre âme, comme s'il s'agissait d'un être vivant qui occupe un espace dans lequel nous nous déplaçons. Microcosm, par contre, est la chanson qui clôt l'album homonyme qui a été publié en avril de cette année. L'album a pour concept celui de l'homme qui décrit comme un microcosme et raconte à travers de petites histoires quotidiennes des taches de couleur laissées sur la toile de la vie par des souvenirs, des émotions, des rêves, des rencontres, des expériences. Nella nebbia che si fa esile, qui nel mattino che mi raccogli. Là dove gli alberi si cancellano, c'è il perimetro dell'anima. Love me.

Vous savez, quand à l'aéroport, vous vous arrêtez quelques instants avec la voiture pour sortir de la voiture une personne qui doit prendre l'avion dans la zone Kiss and Fly. Eh bien, dans ces quelques instants, vous devez tout dire et il est impossible de tout dire. Alors les regards parlent, ainsi que les émotions et les sentiments. Ce sont des moments absolus qui résument tout ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est ce dont je parle dans cette chanson « Kiss and Fly ». Le prochain morceau est instrumental, Prime Numbers, une sorte de dark jazz dans lequel alternent les parties solistes du saxophone, de la guitare et des claviers, dans une ambiance à saveur hispanique et moyen-orientale. C'est quelque chose d'inhabituel dans ma discographie et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant. What Once Was est né d'un riff de basse autour duquel tourne toute la chanson avec des moments intenses rythmiquement dans un style un peu néo-prog. Thank you. Merci encore à tous les auditeurs de la transmission pour leur participation à cet épisode et merci à Michel Bilodeau et à tous les collaborateurs de Terra Incognita. À très bientôt. Ciao. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. On remercie encore une fois Alex Carpani pour sa participation à cette émission spéciale. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura un artiste qui se passe de présentation, je dirais, Stephen Wilson, donc du Royaume-Uni. On aura ici un extrait de Hand Cannot Erase, son album de 2015. C'était son quatrième album et considéré comme étant un des plus progressifs avec Grace for Drowning et The Raven That Refused to Sing, donc cette trilogie-là, où vraiment Stephen Wilson explorait son plein potentiel de rock progressif, les deux plus récents albums étant beaucoup plus tournés vers la pop. Alors on aura les pièces Home Invasion et Regret No. 9, et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va en Italie. Oui, il s'agit de Oak, ou si vous préférez, Ossiazioni Alchimico Creative, le projet du multi-instrumentiste italien Jerry Cutillo, un bonhomme qu'on a découvert, en tout cas plusieurs ont découvert en 2018 avec le fabuleux album Giordano Bruno. On va écouter un extrait de son plus récent album qui a pour titre Lucid Dreaming and the Spectre of Nikola Tesla, un album paru en 2022. On remarque la présence de quelques invités, dont le saxophoniste David Jackson de Vanderlust Generator, ex-Vanderlust Generator, et aussi à la basse Jonathan Noyce, qui a joué avec Jill Rothal. Et on y va, sans plus tarder, avec la pièce qui ouvre l'album et qui a pour titre « Everything is Light ». Lightning skies, here comes the rain. dust and seeds to feed the earth. Capture voices from the space, along with the light particles. Nothing was ever reached with not heeding your grace. You're full of life, and I wonder if I will ever be. You're dancing to the wind and making sure that I'm forever free. Thank you. Thank you. Ben oui, c'est déjà la fin. Et ce soir, on a choisi de conclure l'émission avec un extrait d'un album d'une formation originaire d'Argentine. Il s'agit de Nexus. Un extrait de son second album intitulé Metanoia et qui a été lancé en 2001. C'était Marc Chonet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres et comme je le fais souvent, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Thank you.